Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roi. La Caisse Desjardins du Domaine du Roi est fière de vous présenter la chronique hebdomadaire des Sables de Robertval. Desjardins, toujours impliqué auprès des jeunes de sa collectivité, souhaite tout le succès possible à son équipe junior 2A. Pour un transport en toute sécurité, les autobus du groupe Véro sont les gens à contacter. Nous offrons des transports de 48 à 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, notre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-679-1573. Le personnel et la direction du groupe Véro souhaitent une belle saison au Sabre de Robertval et fier commanditaire de la chronique de l'instructeur-chef Patrice Gagnon. On va parler avec l'instructeur-chef des Sabres de Robertval, Pat Gagnon, pour parler un peu de l'équipe. Deux jours de défaite en fin de semaine. Salut, Pat! Salut, Danny! Pat, évidemment, cette chronique est commanditée par la Caisse Desjardins, Domaine du Roi également, du groupe Véro. C'était deux défaites au cours de la fin de semaine. D'abord, il y a eu un match de 8 à 5 contre les Marquis de Jonquière. Oui, samedi soir, là, les Marquis étaient les visiteurs à Mastriach. Et puis, on a bien commencé ça en première période. Là, on est sorti de la première période, c'était 2-1 en notre faveur. OK. En deuxième, là, c'était un petit peu plus difficile, où on est sorti de là à 6-3 pour les Marquis. Mais j'ai aimé la réaction de nos joueurs, là, parce qu'ils sont restés concentrés, puis ils sont revenus forts en troisième, parce que on a réussi à ramener ça à 6-5 en troisième. Puis, avec 4 minutes à faire, là, ils ont profité d'un avantage numérique pour faire 7-5. Okay. On a enlevé notre gardien de but là, dans les dernières minutes. Fait que, ils ont marqué dans la dernière minute dans un filet désastre. Ça s'est terminé 8-5. OK. Donc, dans le match, François Perron et Perron, 2 buts, une passe. Et également 2 buts pour Vincent Villeneuve. 1 but, une passe. Jesse Saint-Pierre, c'est un joueur que je nomme souvent sur le bulletin de sport. Il va bien? Oui, quand même, Jesse, là, au niveau là, de la production offensive, là, je te dirais qu'il y a un début de saison qui est bien de ce côté-là. Là. OK. Et donc, dans cette défaite de 8 à 5, contre les Éperviers de Normandie, l'autre match, je pense que c'était contre les Éperviers de Normandie, c'était une défaite encore. Non, c'était contre les Saguenay de Chicoutimi. Ah, Chicoutimi, oui. Oui, dimanche soir, là, à l'aréna Marina Larouche. OK. C'était un match, oui, une défaite de 4-0 à ouais. Danny. C'était un match là, qui a été serré jusque tard en fin de deuxième. Là. C'était un match qui n'était pas facile à jouer pour les deux équipes. Là. Okay. Ça jouait robuste, puis c'était limite là, au niveau là, des coups qui pouvaient se donner sur la patinoire, là, de ce que moi j'ai trouvé. Puis, écoute, tard en deuxième période, là, il y a eu une mise en échec qui, selon moi, là, en était une à la tête, qui n'a pas été sanctionnée. Ça fait que c'est sûr que moi, j'étais pas content. Ça fait que je l'ai souligné à l'officiel. Ça fait que ça m'a valu un 2 minutes. Okay? Puis, ils en ont profité pour faire 2-0 sur cette pénalité-là. Là. Donc, je prends une partie du blâme de ce côté-là, là, dans la défaite. Parce que par la suite, là, c'est sûr qu'après deux périodes, c'était 2-0. Ils ont marqué là, un but en troisième période qui a fait 3-0. Là, puis après ça, ben, écoute, les carottes étaient cuites. Là, ils ont fait 4-0 en fin de match. OK. Donc, 4-0. En fin de semaine, ça dit quoi? En fin de semaine, on est en action seulement une fois. Là. On rend visite aux Aiglons d'Alma dimanche soir là, à 19h30. OK. Donc, les Aiglons, évidemment, qui connaissent, c'est à Alma, effectivement. Tony, Pat, on s'en reparle la semaine prochaine? Oui, pas de problème, Danny, mercredi prochain. Voilà, donc c'était l'instructeur-chef des Sabres de Robertval, Patrice Gagnon. Cette chronique est une commandite de la Caisse Desjardins, Domaine du Roi et également du groupe Véro.